pêche, moi j'allume la mèche. J'suis tranquille au réseau avec votre capèche. Tunis, Alger ou Marrakech. Sauce bébé en bendo, faut pas que tu nous lèches. Popo, popo, popo, popo. Ça sort la vo, vo, vo, vo, vo, vo. Et passe au quartier sans boule, c'est trop. Hiver, été, on est au réseau. Trop de faux, les humains. Cellule, y'a ton pète, y'a ton pain. Trop de faux pour le gain. Y'aura pas de money sur le dans le. On voyage un peu sombrero, j'ai pris ton terrain. Ouais, j'ai pris ta go. N'aime les palmiers, demande à oiseau. Tout le check est là, ouais, le monde à l'eau. J'étais aux assises, écoutez, je prends le commis d'office. On se taille malice, ils me jalousent, t'as que j'ai vu leur vice. On est jaloux, boussa moutalique, elle me fait des boussa, petit calage au pic. Devant la vue, elle est magnifique. 13-0 dans le pain, c'est la neige qu'on nippe. Brunette veut danser tout l'été. Cette année, j'dors pas, j'fais TP. Au quartier, ça crie à win. Prends ton juste ton 20-32. Cette année, j'te vole ta nanana. Ton pochon mexica, nanana. J'veux la belle vue, manana. Oh, check, ça crie à ha. Passer les années, au final il est condamné. M'dit nique tout la fusée.